Jésus, je prie jour et nuit. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi, mon roi. Ô Jésus, reste avec moi. Ô Seigneur, tu es mon rocher, mon refuge. Je suis en sûreté. Du haut du ciel, tu me tends la main et me saisis. Tu me délivres de mes puissants ennemis. Tu me conduis, tu me défends, ô Seigneur tout-puissant. Sans toi, je... de l'univers. Oui, sans toi.